L'actualité à Nancy et ailleurs. Nous sommes entrés dans une période où de nombreuses écoles ouvrent leurs portes pour présenter leurs activités à leurs futurs étudiants. Coup de projecteur sur l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy. Estelle Marchand-Ageron, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication et l'école ouvre ses portes ce samedi 3 février de 10h à 19h. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait de cette école et à quoi prépare-t-elle ses étudiants ? Cette école est la seule école nationale d'art en région, d'art et de design. Elle prépare à deux diplômes, le diplôme national d'art en 3 ans, qui équivaut à la licence, et le diplôme national supérieur d'expression plastique, qui est habilité au grade de master, et tout ça donc un DNA en option art, communication ou design, et idem pour le diplôme national supérieur d'expression plastique, art, communication ou design. Combien d'étudiants accueillez-vous ? Environ 300 étudiants. Alors cette journée, elle s'adresse à qui précisément ? Cette journée s'adresse à tout le monde, évidemment plus spécifiquement aux lycéens, aux futurs étudiants qui seraient intéressés pour venir faire des études dans notre établissement. On a des étudiants qui viennent de tous horizons. Tout ce qu'on demande pour passer le concours à l'école d'art, c'est un bac, quel qu'il soit. On a des élèves qui viennent de bacs professionnels, de filières scientifiques, de filières littéraires, un peu de partout. Cette journée porte ouverte, donc c'est samedi prochain, 10h à 19h, donc au 1 place Charles Cartier-Bresson à Nancy pour être précis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur place ? Sur place, on va pouvoir découvrir ce que font nos étudiants. Évidemment, les étudiants de première année présentent leur travail, les étudiants dans chacune des options, en option art, communication visuelle, ils organisent d'ailleurs une sorte de micro-salon d'édition. En design, les productions de design et parallèlement à ça, toute la journée, il y a aussi 2 expositions, une dans notre galerie, puisqu'on a une galerie d'exposition dans l'école, qui est l'exposition de jeunes artistes diplômés de notre établissement en 2017, et aussi une exposition à la médiathèque du campus, parce que la médiathèque du campus sera aussi ouverte pour l'occasion, toute la journée. On pourra même se restaurer sur place aussi ? Oui, tout à fait. Alors, les étudiants du bureau des élèves préparent des crêpes, des boissons, et puis on fait venir aussi le food truck de Little Miss Burger qui se gare en bas de l'école pour restaurer les plus affamés. Les étudiants actuels sont impliqués dans cette journée porte ouverte ? Ah oui, oui, tout à fait. Ils sont très impliqués. Ils proposent d'ailleurs, en plus de l'installation de leur production plastique, ils préparent des performances, des concerts. Et puis, le jour de la journée porte ouverte, ils se relaient également pour faire visiter l'école. Il y a des visites guidées qui sont organisées. Chaque étudiant prend un groupe d'une dizaine de personnes et ils parcourent toute l'école selon la volonté des visiteurs. Alors vous avez parlé d'exposition, il y a une exposition interstice des bords des interstices, qu'est-ce qu'elle présente ? C'est justement l'exposition des jeunes artistes diplômés en 2017. Il ne s'agit pas d'une exposition de diplôme, mais vraiment on invite les jeunes artistes maintenant qui ont eu leur diplôme à revenir le temps d'une exposition pour produire une œuvre. Donc il y a de la vidéo, il y a des installations et du volume de la sculpture à découvrir. Il y a des médiateurs qui sont là pour expliquer l'exposition à chaque visiteur. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce samedi 3 février de 10h à 19h. Oui. Pour celles et ceux qui se poseraient la question, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inciter à venir découvrir cette école ? Ce que je peux leur dire, c'est que déjà c'est une journée assez exceptionnelle et festive parce qu'on n'ouvre pas l'école au public tous les jours. Et puis venir découvrir ce qu'on fait vraiment parce que je crois que quand on passe devant notre école qui est très belle au demeurant, puisqu'on est dans notre nouvelle école depuis 1 an sur le campus Artem, mais il faut passer le seuil de la porte pour voir vraiment ce qui se fait dans les écoles d'art. Ce n'est plus vraiment comme au 19e, la peinture, le dessin, c'est ça, mais c'est autre chose. Il y a plein de nouvelles choses qui sont très intéressantes à découvrir. Il y a le multimédia, la photographie, il y a vraiment plein de choses. Multimédia, et puis du jeu vidéo. Il y a même les étudiants de l'atelier jeu vidéo ont créé un jeu déambulatoire pour découvrir l'école et le campus exclusivement pour cette journée porte ouverte, par exemple. D'accord, donc même si on peut être simplement curieux de découvrir ce qui s'y fait, on peut venir. Tout à fait. Estelle Marchand-Ageron, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.